Bonjour, ici Cosmic Cassette, spécial pour les ondes de Monobloc Radio en direct de l'île de Groix. Ici le futur, ici le passé, ici le 12 juin 2018, Atlantique Nord, parallèle 47 et les poussières, vent nord LV, gros soleil ce soir, une playlist spéciale dédicacée aux anémones et aux oursins. Vive les vagues, vive les cassettes et vive la ZAC. EQ, EQ, this is W9GFO. Is anybody out there? Cosmic Cassette, Cosmic Cassette. All aboard, all aboard. Clear the track, here I go. On commence tout de suite avec Grace Jones. My Jamaican guy. Promise more. Ray Jones avec My Jamaican Guy. C'est sorti sur l'album Living My Life en 1982 chez Island Records. On passe au Piton de la Fournaise, un groupe que j'ai vu il y a quelques jours au Jazz Club à Lyon, dans la cave. Et j'avais acheté, c'est une cassette, c'est une sortie sur une compile de Catapult Records, les 10 ans de Catapult Records. 10 years of Catapult Records, 2007-2017. La chanson c'est Sega Jamrosa. Et c'est un groupe de Chambéry, je crois, si je me souviens bien. Jamrosa par le Piton de la Fournaise, voilà, un groupe de musique réunionnaise, je crois. Et là on passe à un enregistrement qui nous vient de Tarbes dans le sud-ouest, mais par le groupe Octopus, spécialisé dans les chansons irlandaises et chants de marins. Voilà, c'est une cassette que j'avais trouvé à Emmaüs à Pau, sorti en 1994. C'est la Bretagne. Pardon, les grindons d'elle, pour demander pardon, les grindons. j'avions couru les balles. Dondon, j'avions couru les balles. Et les jolis garçons des Grindondens. Et les jolis garçons des Grindondens. Et les jolis garçons des Grindondens. Et les jolis garçons des Grindondens. Les Grindondens, ma fille pour pénitence. Les Grindondens, ma fille pour pénitence. Nous nous embrasserons des Grindondens. Nous embrasserons des Grindondens. Nous embrasserons des Grindondens. Nous embrasserons des Grindondens. Des Grindondens, je n'embrasse point les prêtres. Des Grindondens, je n'embrasse point les prêtres. Mais les jolis garçons des Grindondens. Mais les jolis garçons des Grindondens. Mais les jolis garçons des Grindondens. Quand les poils au menton des Grindondens. Les forgeurs de pimpons, les Grindondens. Les forgeurs de pimpons, les Grindondens. Merci à Bretagne. Forge par Octopus, sorti chez Moon Mix à Tarbes en 94. Et là on est passé de l'autre côté de l'Atlantique direct avec un groupe vraiment avec un nom imprononçable, Ensemble Vide plus YN et Uton. C'est assez international quoi comme composition de groupe. Parce que si j'ai bien compris, il y a quelqu'un qui est de Cordoba en Argentine. Et ça a été enregistré pour un label américain. Et puis je sais pas, ça a été enregistré en France en fait. À Chantepie. Voilà. Et c'est sorti, c'est Aiderden Records chez à Seattle en 2016. Et la chanson c'est Evocation and Esfumation sur l'album Solid Geometry and the New Metal World. Dire que j'ai acheté ces cassettes comme une grande part des cassettes que je chope dans les magasins à Ex Vinilo à Rabastens vers Albi en gros. Un gros stock de cassettes là-bas. Start to appear, it will be the time you feel the brown fog of Halicol Gardens. les berceaux effectués par Quentin, de son duo avec Nadia, pour le morceau de Nadia qui s'appelle Désert, voilà, qui a sorti sur une cassette de manière un peu privée, quoi, pour offrir à Noël dernier, je crois, à ses potes et à sa famille. Un duo Saz et Objet Frappé. Après ça, on écoutera Le cœur souffle de l'intérieur de Train Fantôme sur l'album Man et Meur qui était sorti en 2017 ou 2016, je sais plus. Non, 2017, ouais, chez AB et la Souterraine. We'll be right back. Qui sent le cadavre. Sans rien dire à personne, il prend à son tour des armes et s'enfonce dans la nuit. Pendant qu'il marche, une idée lui vient en tête. Il va emprunter le canot que Ben Gunn avait construit et couper les amarres de l'Hispaniola. Ça empêchera les pirates de regagner le bateau pour prendre le large. Après quelques détours, Jim finit par trouver l'endroit où le vieux avait caché son embarcation. C'est une grossière carcasse de bois avec un long bâton en guise de baguette. Jim parvient néanmoins à ramer jusqu'à l'Hispaniola. Il est en train de quitter les corps quand il entend les voix des deux gardes s'élever d'une cabine. Cosmic cassette. Verbosity. Select tab 1 of 5. le cœur souffle de l'intérieur par le duo de Things Dungeon Seat, Train Fantôme. Et là, on passe à Bûcheron de sa cassette Assurage, sortie chez Indian Redhead et AMDNP en 2017 aussi, avec le titre Vespertilio. Une cassette, ma foi, super. Ses propres mains à Radio Vassivière lors de la nuit de la cassette. C'était au courant de l'hiver 2017. Dans la Creuse. Beach Noir, Playa Clara. En fait, vous aurez remarqué qu'il y a un tas de références dans cette émission à l'île et à l'insularité. Spécial dédicace à Radio Monobloc. Voilà, Treasure Island chez Black Sheep en 2017. Je crois que c'est leur troisième cassette, enfin en tout cas à ma connaissance. Et ensuite on passera à Joey Pizza Slice, un groupe de Brooklyn je pense, enregistré par Zach Phillips et une pote à lui je crois, chez OSR de Brooklyn en 2015. Et le jour de la Saint-Valentin, il est sorti la cassette et m'a avec la chanson You're Right On Time. Et il fallait que je dise quoi par rapport à Zach Phillips. Ah ouais, je sais où Zach Phillips cet été pour les fans de OSR. Je crois qu'il est à Bruxelles chez Eurythmy. I'm ouais, donc toi, ça c'est Steven Ameshi sur la compil Ayo Beat, publié par Dominus Sound Records. Donc voilà, une compil de musique africaine, je pourrais pas trop en dire plus. Et il y a marqué From Record to Tape, oui voilà, c'est une compil à partir de disque trouvé, je pense qu'ils ont fait. Il y a marqué Boombox Hit. Voilà, en mode avec des cassettes. Et du coup, ben voilà. Et ça, je l'avais acheté quand j'étais allé à la Nouvelle-Orléans, au magasin Domino Sound, un super magasin. Ouais. Et du coup, maintenant, je vais passer une musique que j'ai trouvée dans la voiture de Hugo de Pornic, copain à moi de Lyon, qui vient de Pornic. Et du coup, une cassette de musique basque. Voilà quoi, peuple de la mer, unissez-vous. Avec le morceau Euskal Gaztea de Arantza Leak. Arantzaleak ere baito nibantara, ditxasoa da gure ama. Ziburutarak ere baita nirentxeme, guk itxasoa dugu maite. Gure arbasoa jontziren bezala, behar dugu abiatu. Baina harkiz ez arantzara, egun behar dugu kantatu. Arantzarea gire baito nimantara, itxasoa da gure ama. Zimurutara gire baina nientxeme, guk itxasoa dugu maite. Itorri gira zueka legera zera, bakearen ikatzera. Erepetan kantadizatu, ez dirago batean. Arantzarea gire baito nimantara, itxasoa da gure ama. Zimurutara gire baina nientxeme, guk itxasoa dugu maite. Voilà, merci. C'était publié chez Agorilla Records, un label de Bayonne. Je crois qu'il est toujours en activité. Enfin, en dessous dans l'instrument. Voilà, et puis là, on passe à ce cher Romain Leferron, grand organiste local. Il a enregistré cette. Ça, c'est une cassette, je pense qu'ils ont fait lui et Tamagawa lors de leur tournée récente. Les deux, du coup c'est un split, et là je passe la face qui s'appelle Le Phare, enregistré à Kruger en novembre 2017, c'est-à-dire chez Euromain en question. Et voilà, Romain qui a l'habitude de faire des concerts de drone, et c'est vrai que ce morceau-là il est assez original quoi, dans ce que je connais de lui, enfin bien qu'il soit pluridisciplinaire aussi. Je sais qu'il enregistre aussi pas mal dans les églises. Donc je sais pas, en Bretagne vous avez plein d'églises, alors vous pouvez l'inviter peut-être. Le Phare, Romain Leferron. Thank you. carte du monde. Il y a toutes les indications pour la trouver et des conseils pour ne pas s'y échouer. Fantastique! Il y a aussi trois croix à l'encre rouge et il est marqué « La plus grande partie du trésor se trouve ici ». Le chevalier retourne faiblement la carte et lit tout aussi ému « Grand arbre, contrefort du télescope, à l'extrémité nord de la baie Nord ». Ébahi, le chevalier repose la carte sur la table, réfléchit un court instant, puis s'exclame. Lycée, vous allez abandonner tout de suite vos misérables passions. Demain, je pars pour Bristol, et en 2 semaines, croyez-moi, nous aurons le meilleur bateau d'Angleterre et un équipage d'élite. Jim, vous partez avec nous, vous serez notre petit mousse. Quant à moi, je serai votre amiral. Pas d'objection, docteur ? Si, et une de taille, très bonne. Vous êtes un grand bavard, et vous savez comme moi que les bandits feront tout pour avoir cette carte entre les mains. Alors, je vous pousse. Livson, je serai un tour. En quelques heures, le chevalier boucle sa valise et file à l'instant pour chercher un bateau. De Ferron, voilà, avec le phare, et on va se quitter pour cette émission Cosmic Cassette. On va se quitter avec Sugar Baby, chanté par Doc Bob. Une cassette que j'ai trouvée, alors là, je me rappelle plus, par terre, je crois, dans un paquet de cassettes. C'était la Robert Crumb's Music Selection, en fait. Du coup, c'est cool parce qu'il y a une face, c'est rempli de musique country, bluegrass, etc. Enfin, la musique dont Robert Crumb est fan. Et du coup, ben voilà, c'est Doc Bob, Sugar Baby, un morceau qui a été enregistré entre 1927 et 1931. Enfin, en tout cas, c'est tous les morceaux de la compil, c'est ça. Un morceau super cool, quoi. Et du coup, ben voilà, bisous. Ciao. I've got no sugar baby now. All I can do for see peace with you. And I can't get along this way. Can't get along this way. All I can do, all I can say. I will sing it to your mama next payday. Sing it to your mama next payday. Got no use for a red rocking chair. I've got no honey baby now. Got no sugar baby now. Who rocked the cradle, who sang the song? Who rocked the cradle when I'm gone? Who rocked the cradle when I'm gone? I'll rock the cradle, I'll sing the song. I'll rock the cradle when you're gone. I'll rock the cradle when you're gone. All I can do, that's all I can say. I will sing it to your mama next payday. Later in the shade, give her every dime I made. What more could a poor boy do? What more could a poor boy do? Oh, I've got no honey baby now. Got no sugar baby now. myself I can see I've done all I can do and I can't make a living with you. Can't make a living with you. Try the game yourself. Oh, yeah. Oh, yeah.